Chapitre 7e, la maison au volet vert. 6 heures du soir. En l'hôtellerie des trois rois mages, les gentilshommes se mettaient à table, en soupe et de fort bonheur en ce temps-là, lorsque le tavernier survint portant un papier plié et scellé. « Une missive pour monsieur le baron, » dit-il en tendant le billet à Roselin. « Qui a apporté cela ?» demanda Givry. « Un mendiant du parvis, à l'instant même. » Belcor regarda la suscription. À monsieur le baron de Givry, en l'hôtellerie des Trois Mages, rue Saint-Bernard, vers Saint-Cernin. L'écriture lui était inconnue. Le capitaine rompit le cachet de cire, tandis que ses amis le plaisantaient sur sa bonne fortune avec quelques Toulousaines énamourées. Cependant, Roselin lisait, et une profonde stupeur se peignit sur son visage. « Par exemple, s'écria-t-il, ceci est étrange. » « Qu'y a-t-il ? » demanda la baronne, la bouche pleine. « Écoutez, » répondit Givry, et il lut à haute voix. Si le baron de Givry veut compléter les renseignements qu'il a recueillis hier de la bouche de l'abbé Patrice, qu'il veuille bien se rendre, ce soir même, 10 heures clochant, rue de la Pomme, au numéro 3, proche de l'hôtel de M. Buet, conseiller du roi. La maison est reconnaissable à ses volets verts et à son unique rez-de-chaussée. D'ailleurs, le baron de Givry sera attendu jusqu'à 11 heures. Quelqu'un qui va venger le sire de Briancourt. La baronne, d'Aubigny et même Hervé avaient écouté avec étonnement la lecture de ce billet qui en disait si peu et si long. « Que comptes-tu faire ? » interrogea la baronne. « Y aller, pardieu ! » s'exclama Roselin. « Si c'était un piège !» insinua d'Aubigny. « Allons donc, qui a part vous sait que j'étais hier auprès de l'abbé Patrice. Rien que la signature... pour le moins original, prouve que l'auteur de la missive est au courant de certains événements. D'ailleurs, le mystère m'attire. « Nous aussi, » décida la baronne, « allons-y tous. »« Non, j'irai seul à ce rendez-vous. »« Parbleu !» s'exclama d'Aubigné. « Celui qui vous écrit vous sait assez vaillant et téméraire pour cela. » Dans ce cas, déclara Roselin avec simplicité, « je ne veux pas le faire revenir sur la bonne opinion qu'il a de moi. J'irai seul, vous dis-je. Maintenant, soupons. Je meurs de faim. » À 9h30, le capitaine Belcoeur sortait de l'hôtellerie et traversait la place de Saint-Cernin. Par la rue du Houx, il arrivait bientôt à la tour des archives, la rue de la Pomme y aboutissait. C'était une voie très longue, qui existe encore de nos jours, et dont l'issue donnait sur des jardins. L'hôtel du conseiller Buet s'érigeait à l'autre extrémité de cette rue. Roselin marchait d'assez vive allure. Il atteignit bientôt l'endroit indiqué. Il reconnut la maison basse au volet vert près de la somptueuse demeure du magistrat du roi, une des curiosités archéologiques actuelles de Toulouse. Belcoeur frappa lui du pommeau de son épée. Presque aussitôt, une ouvrière et une maritorne, coiffée en raquette, parut une chandelle à la main. « Je vous attendais, messire, » fit-elle avec un sourire. « Veuillez entrer, séant. » D'un coup d'œil, Givry avait sondé les trois couloirs. Rien de suspect. Il pénétra donc, et tandis que la commère refermait soigneusement la porte, il demanda « C'est vous, madame, qui m'avez écrit ?»« Oui, mon gentilhomme. » « Cependant, l'écriture paraît masculine, ce semble. »« Oh, à mon âge, la main est lourde, messire. »« Si vous voulez bien me suivre. » Elle ouvrit la porte d'une pièce au fond du couloir où elle pénétra la première. Belcoeur allait suivre quand la chandelle s'éteignit. Ses paroles percèrent l'ombre. « Allons, il faut que je rallume. » « Pardonnez-moi, messire, si je vous laisse dans l'obscurité, le temps de battre le briquet seulement. » Roselin flaira l'embûche. Instinctivement, il recula jusqu'à l'autre bout du couloir, près de l'entrée. À peine y arrivait-il qu'une autre porte latérale s'ouvrait violemment, laissant surgir plusieurs individus. Déjà, le capitaine avait l'épée à la main, et s'adossant à l'entrée qu'il ne pouvait ouvrir, il tint les assaillants au respect. Un cri échappa à l'un des sbires. « De la lumière !» hurla-t-il sur un ton enragé. Une lueur éclaira le fond du boyau, puis la vieille reparut, tenant la chandelle qu'elle déposa sur le sol. « Merci !» criait Belcoeur. « À présent, mes coups porteront mieux. » Il avait affaire à trois adversaires munis d'épées larges pour jouer du tranchant à arme de rustre. L'un de ces hommes était de stature immense. Justement, le baron le tenait en face de lui au bout de sa fine lame espagnole faite pour l'estoc. Camisole s'escrimait contre Givry, qui para, riposta et blessa le colosse. Alors, cet homme, jetant son arme, se lança sur Roselin comme une bête fauve. Il aurait voulu un corps à corps où ses mains eussent étouffé, étranglé, broyé. Un lourd landier de bronze, lancé par un des bandits, toucha le capitaine au bras. Mais en même temps, il atteignit la porte avec un fracas formidable qui se répercuta en écho dans toute la maison. Presque en même temps, de la rue, des coups furent frappés à la porte. « Ouvrez !» crie une voix au dehors. « Et sur l'heure !» glapit une autre. À ses organes diversement accentués, Givry reconnut la Guibole et Francastor. « Hola ! » fit-il, « c'est vous ? Ah, monsieur le baron, c'est vous aussi ? Que se passe-t-il et quel est ce tintamarre ?»« Rien !» dit Belcoeur, en évitant un deuxième landier. « Trois sacripants qui m'occupent !»« La porte ne cédera pas !» constata Honoré, qui ne la sentait pas bouger d'une ligne sous ses coups. « Passons par la fenêtre !» répondit Francastor. Les volets d'à côté s'ébranlèrent sous leurs poussées furieuses. « Courez là-bas !» rugit Camisole à Cécéide. « Empêchez-les d'entrer ! Tuez-les ! Enfer ! Ils vont faire manquer le coup !»« Je le crois, mon garçon !» goguenarda Roselin. Camisole précipitait ses attaques, grondant et soufflant. Tout près, on percevait le bruit des volets qui éclataient. Puis on entendit une lutte terrible dans la chambre voisine. Un cri retentit, et au seuil de la porte, derrière le géant, la Guibole se dressa. Avant que Camisole eût pu faire mine de se retourner, le Marseillais enfonçait son épée dans le dos énorme du colosse avec un rond de forgeron. Le bandit exhala un grognement sourd et tomba comme une masse. « Dommage, » dit Roselin, « c'était une belle pièce. Je voulais le garder pour moi. » De la chambre voisine venait toujours un bruit de fer entrechoqué. Francastor avait affaire à forte partie. Honoré y courut. Roselin se penchait vers Camisole. Il regarda ce visage de bête et prononça. « Est-il mort ? J'aurais voulu le faire parler. » Il tâta le cœur. Plus rien à faire. Là-bas, un choc sourd retentissait. Francastor apparut en criant. « Oh, ça y est, il n'y en a plus. »« Non, mon ami, » répondit Roselin. « Dommage. Attends, fouille tout le logis. Tu trouveras peut-être la vieille sorcière qui le hantait. Tu me l'amèneras. » Pendant cette recherche, Givry examinait les complices de Camisole. Leurs corps gisaient sur le parquet, leurs âmes se promenaient dans le royaume des ombres. « Pas de chance, » fit Roselin. « Et d'ailleurs, ceux-ci ne devaient rien savoir. C'est le géant qui était le chef de l'expédition. » La Guibole et Francastor revenaient. Ils n'avaient rien trouvé. La vieille avait dû s'enfuir par quelque issue cachée. On sortit de cette maison à traquenard. En route, Belcoeur demanda à la Guibole par quel hasard il s'était trouvé rue de la Pomme avec son ami si bien à point. Et le brave maître d'armes expliqua que M. de la Varenne les avait chargés d'aller examiner l'endroit du rendez-vous de M. le baron. Guillaume pensait toujours à tout.